L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Une exoplanète munie d'un énorme anneau de poussière vient d'être identifiée autour d'une étoile jeune située dans la constellation d'Orion. Avec près de 50 millions de kilomètres de diamètre, cet anneau rend ridicule celui de notre belle Saturne. Vous vous souvenez peut-être que nous avions relaté ici même la découverte d'une planète aux anneaux géants en janvier 2015, la planète J1407b. Grâce au relevé Super WASP, Wide Angle Search for Planets. Eh bien, cette nouvelle découverte, publiée aujourd'hui dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, est issue du même relevé recherchant des exoplanètes et est le fruit de la même équipe d'astronomes, en partie du moins. L'étoile autour de laquelle a été identifié ce qui ressemble très fortement à une planète massive entourée d'un vaste anneau est appelée PDS 110. C'est une étoile très jeune de 10 millions d'années qui se trouve à 1000 années-lumière. Hugh Osborne de l'université de Warwick et ses collaborateurs ont observé que PDS 110 avait une luminosité qui faiblissait à intervalles réguliers tous les 2,2 ans et ce pour une durée d'environ 2 à 3 semaines. L'obscurcissement atteint 30% à son maximum et montre des fluctuations rapides, pouvant correspondre au passage de plusieurs anneaux devant l'étoile. Ces fluctuations répétées ont été suivies par les astronomes sur 15 ans, ce qui leur permet de démontrer qu'il s'agit bien d'un corps en orbite autour de l'étoile PDS 110. Alors que dans le cas de J1407b, en 2015, l'orbite n'avait pas pu être déterminée. Les chercheurs ont exploité en outre un autre télescope, en plus de celui du programme SuperWASP, le KELT, le Kilo Degree Extremely Little Telescope. Oui, c'est drôle, Extremely Little. Afin de rendre plus robustes leurs observations. Le diamètre estimé de l'anneau entourant la planète, nommé PDS 110b, est d'environ 50 millions de kilomètres, soit 180 fois plus grand que l'anneau A de Saturne. La différence entre les deux vient de leur origine. Alors que les anneaux de Saturne sont constitués de morceaux de glace et de roches disloqués par les forces de gravité de la planète, les anneaux de PDS 110b seraient constitués de la matière résiduelle du système stellaire en formation et pourraient ainsi s'étendre beaucoup plus loin. Connaissant désormais l'orbite exacte de PDS 110b autour de son étoile, les astronomes peuvent prédire quand aura lieu la prochaine éclipse par son anneau géant, et celle-ci devrait avoir lieu en septembre 2017. Son observation permettra ainsi de confirmer définitivement la nature de cet anneau exoplanétaire. Cette éclipse de septembre devrait également permettre aux astronomes d'étudier la structure de l'anneau entourant cette exoplanète, dont la masse pourrait atteindre 50 fois la masse de Jupiter, et qui est d'ailleurs peut-être une naine brune. Il est également possible que des petits corps soient en cours de formation au sein de ces anneaux. On va peut-être finir un jour par penser que Saturne est une planète exceptionnelle par la petitesse de ses anneaux. L'article de Hugh Osborne et ses collaborateurs s'intitule « Periodic Eclipses on the Young Star PDS 110 Discovered with WASP and KELT Photometry ». Il est paru dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society en date du 20 mai 2017. Je mets les liens de l'article de l'archive ainsi que de l'article des Monthly Notices, bien sûr. En bas du billet, sur Ça se passe là-haut. Allez, restez bien à l'écoute sur le www.saspasselahaut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des anneaux géants d'exoplanètes se contemple indéfiniment. Et vous retrouvez cette émission, comme toujours, sur iTunes, PodCloud, Stitcher, YouTube et tout, partout. Allez, à très bientôt. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel. Hein. Et les pieds sur terre. Salut!